Chapitre 31 En Hollande et en Angleterre. Je goûtais depuis 2 jours la douce hospitalité de la Hollande, lorsque je fus invité à me rendre au consulat général anglais à Rotterdam. La veille, j'étais allé m'enregistrer à la légation anglaise à La Haye. Je quittais donc mon hôtel dès 9 heures du matin pour me rendre au consulat. J'y fus informé que j'aurais à quitter la Hollande dès le lendemain sur un navire hôpital à destination de l'Angleterre. Je fus remarqué aux fonctionnaires de la légation qu'il m'était impossible de partir aussitôt. « Pourquoi ?» me demanda-t-il. « Parce que j'ai reçu à Berlin l'assurance que ma fille, qui est en Belgique depuis 4 ans, et à qui les autorités militaires allemandes ont jusqu'aujourd'hui refusé la permission de partir, recevra un sauf-conduit pour la frontière hollandaise. Je dois donc attendre qu'elle soit sortie de Belgique. « Mais, répond le jeune officier, cela ne fera pas l'affaire. » On s'attend à la légation, à ce que vous partiez dès le demain matin. Et comme nous n'avons à ce sujet que des renseignements incomplets, nous vous suggérons d'aller discuter la chose à La Haye. Cet après-midi-là, j'arrivais à la légation anglaise à La Haye, où j'avais le plaisir de rencontrer un charmant officier de marine. Il m'explique donc qu'on s'attendait à mon départ pour l'Angleterre le lendemain matin. Je m'obstine, naturellement, à ne pas vouloir partir. Il insiste. Mais, lui dis-je, ne suis-je pas, après tout, le plus intéressé dans cette question de rapatriement. Il est de la plus haute importance que je demeure en Hollande jusqu'à l'arrivée de ma fille, détenue en Belgique depuis 3 ans. D'Angleterre, il me sera à peu près impossible de communiquer avec les autorités militaires allemandes en Belgique. Le brave officier admit bien qu'à ce point de vue, il était beaucoup plus avantageux pour moi, sous tout rapport, de demeurer en Hollande, au lieu de me rendre immédiatement en Angleterre. Mais, ajouta-t-il, vous semblez ignorer que votre cas est un cas spécial. Vous êtes échangé avec un prisonnier allemand détenu en Angleterre. Je sais cela, répondis-je. Eh bien, répartit l'officier, ce prisonnier allemand qui doit recevoir sa liberté en échange de la vôtre ne saurait quitter l'Angleterre avant votre arrivée. Quelque diable peut-être me poussant, je ne pus m'empêcher d'éprouver, lorsque l'officier me donna ses explications, une satisfaction méchante. Est-ce bien vrai, ajoutai-je? Assurément. Alors, pourquoi ne laisserais-je pas fumer un petit peu? Il y a 2 ans, j'étais prévenu à la prison que je serais libéré. On m'a tenu dans cette anxieuse attente de la liberté pendant 2 ou 3 semaines, pour ensuite briser tout mon espoir. Je vous approuve d'insister afin que je parte immédiatement pour l'Angleterre, mais prenez-en ma parole, je n'ai pas l'intention de partir demain ni après-demain, c'est-à-dire pas avant que les Allemands n'aient relâché ma fille qui est en Belgique. Vous pouvez laisser savoir aux autorités en Angleterre, qu'étant après tout en cette question d'échange le plus intéressé, je me déclare satisfait. Je me considère suffisamment échangé pour qu'il soit permis à l'Allemand de quitter l'Angleterre. Et si, enfin, le gouvernement anglais juge à propos de retenir ledit Allemand jusqu'à mon arrivée, je ne puis vous dissimuler que j'en éprouve une certaine satisfaction. » L'officier sourit et m'assura qu'il allait communiquer par voie télégraphique aux autorités anglaises le résultat de notre entrevue. J'appris cependant qu'une couple de semaines plus tard, M. von Boello, le représentant de la maison Krupp en Angleterre avant la guerre, détenu en ce pays depuis le commencement des hostilités, et que le gouvernement anglais avait consenti à échanger contre moi, venait d'arriver en Hollande, en route vers l'Allemagne. 3 semaines plus tard, ma fille sortait de Belgique. C'est à Rosendal que nous nous sommes rencontrés après 3 ans de séparation. Les 3 semaines que nous avons passées en ce charmant pays, au milieu de cette brave population hollandaise, aux vieilles coutumes et aux costumes étranges, jouissant de la plus entière liberté et d'une température délicieuse, furent des jours de bonheur qui demeureront inoubliables. Toutefois, l'heure de reprendre notre course vers le foyer canadien allait bientôt sonner. Gavé de liberté, d'air pur et l'âme imprégnée du désir de revoir les paysages d'Amérique, que depuis 4 ans nous n'avions pu contempler, nous décidâmes de faire les préparatifs nécessaires à la traversée de la mer du Nord qui nous séparait de l'Angleterre. Depuis 18 mois, cette mer était infestée de pirates. Les sous-marins allemands y avaient 2 bases principales, celle de la baie de Kiel et celle de Zeebrugge. Ces 2 points, et en particulier de Zeebrugge, les pirates allemands pouvaient en quelques heures pousser une pointe jusqu'à la côte d'Angleterre ou jusqu'à la route maritime Rotterdam-Harwich. C'était leur camp d'opération par excellence. Nous le savions, certes. Nous en avions même longuement causé avec les officiers canadiens internés en Hollande, et dont nous avions été les hôtes, à Scheveningen, où ils avaient réussi à se créer une sorte de petit home. J'y fus un jour invité et présenté par l'excellent major Ewart Osborne, de Toronto. Je garderai un souvenir bien agréable des quelques heures passées au milieu d'eux. Nous avions parlé sous-marin. Nous avions parlé du pays et de l'époque probable, possible de leur rentrée. L'amirauté anglaise avait l'entière direction du service postal et passagers entre l'Angleterre et la Hollande. Des convois allaient, des convois venaient. C'était tout ce qu'on pouvait dire. De l'heure du départ, du point d'embarquement, du nom des paquebots, de la route à suivre, du port d'arrivée, les passagers étaient tenus dans la plus complète ignorance. Lorsqu'un permis de passer en Angleterre était consenti, le voyageur devait se présenter chaque jour, de 11h à midi, pour recevoir ses instructions. Nous faisions donc visite chaque jour, à 7h, au consulat général d'Angleterre à Rotterdam. Cela dura une semaine. Un bonjour, il y avait du nouveau. Nous recevions une communication verbale et très discrète de prendre place dans un train à telle gare, à telle heure. Nous étions enchantés. Nous avions quitté le consulat depuis 5 minutes à peine, lorsque sur le quai d'une gare de tramway, où nous attendions, un individu s'approche et s'adresse à moi, en un anglais irréprochable, avec l'accent particulier de l'habitant de Londres. « À quelle heure partons-nous » demande-t-il. « Que voulez-vous dire ?»« Oui, à quelle heure partent les bateaux ?»« J'oublie si c'est cet après-midi ou ce soir. » »« Je ne sais, monsieur, à quel bateau vous voulez faire allusion. »« Je fais allusion, dit-il, aux bateaux qui doivent nous conduire en Angleterre. » La Hollande a été, durant toute la guerre, un pays littéralement couvert d'espions allemands. Nous le savions, car à l'hôtel de Rotterdam, où j'avais logé pendant quelques semaines, des personnages sympathiques trouvaient toujours moyen, sous un prétexte quelconque, de lier conversation avec moi. J'avais été prévenu lors de ma première visite au consulat. À la première question de mon interlocuteur, je fus sur le point de tomber dans le piège. J'allais lui donner le renseignement recherché, quand un soupçon vint me couper la parole. À sa dernière question, je répondis, faisant mine de me départir d'un secret. « Exactement dans une semaine, à 6h du matin. »« C'est ce que j'avais cru comprendre, » ajoute mon anglais truqué. Je n'eus plus de doute, j'avais affaire à un espion. Ce jour-là, le 30 juin, tous les voyageurs munis d'une autorisation filaient dans un train vers Cruyvan Holland, où nous arrivions à 7h du soir. 5 bateaux passagers nous attendaient au quai. Nous nous embarquons. À quand le départ ? Sera-ce dans la soirée ou dans la nuit? Tout le monde l'ignore, même à ce qu'on affirmait, les officiers du bord. La nuit du samedi au dimanche, la journée du dimanche, la nuit suivante s'écoulèrent sans que nous bougions. Un message radiophonique seul pouvait nous détacher de Hollande. Apparemment, le message vint, car à 11h, lundi, nous sortions de la Meuse sans tambour ni trompette. Le convoi de 5 vaisseaux, portant des milliers de passagers, de tous âges et de toutes conditions, fit le quart au nord, et s'avança lentement en longeant de très près la côte de Hollande jusqu'à Scheveningen. À ce point, le quart à gauche, donc à l'ouest, nos vaisseaux mettent le cap sur la côte anglaise. Nous étions à peine sortis des eaux côtières de Hollande lorsque soudainement un nuage de fumée se dessina à l'horizon en avant de nous. Qu'est-ce? Nous l'ignorions. N'était-ce pas une escadre allemande? Le doute fut vite dissipé. Ce point noir, d'abord imperceptible, qui grossissait en s'avançant sur nous, c'était le convoi parti d'Angleterre le matin qui rentrait dans les eaux hollandaises. Quel spectacle s'offrait à nos regards! 24 bâtiments disposés sur 3 lignes fendaient les ondes, vomissant une épaisse fumée. Au centre, précédé d'un hardi croiseur, venaient les 7 vaisseaux chargés de passagers. De chaque côté, 8 lévriers de la mer, navires de type particulier, sillonnaient la surface dans toutes les directions, comme à la recherche d'un gibier ennemi à dévorer. Et après un beau désordre apparent, des échanges de signaux, quelques courses à droite à gauche, une affaire de 3 minutes, la situation s'était de nouveau éclaircie. 7 vaisseaux longeaient la côte de Hollande en sécurité. Les navires de guerre, 17, avaient fait volte-face, et l'imposant convoi, modelé sur le dernier, entreprenait le passage de la zone la plus dangereuse de la mer du Nord. Tout alla bien jusqu'à 2h après-midi. Mais alors un champ de mines était signalé. Quelques-unes, non complètement submergées, laissaient percer à la surface leur tête ressemblant à un chapeau de feutre noir. Et les croiseurs et les torpilleurs s'en donnaient. Les merveilleux artilleurs pointaient leurs canons, tiraient, puis faisaient feu, jusqu'à ce qu'une formidable explosion de la mine, lançant une colonne d'eau vers le ciel, vint nous indiquer que le but était atteint. Feu roulant pendant 1 heure. Nous avions traversé le champ de mines fraîchement pendu, sans encombre, et nous filions à bonne allure, vers l'Angleterre, dont nous aperçûmes les phares vers 9h du soir. Nous étions à l'embouchure de la Tamise. La nuit tombait. De toutes les bouches s'échappaient des paroles d'admiration à l'endroit de ce merveilleux service de protection poussé sur toutes les mers du globe, sans relâche, sans répit par l'intrépide marin de la Grande-Bretagne. Nous allions franchir la ligne de réunion de deux phares puissants qui marquaient la fin de la mer fréquentée par les pirates. Les 17 vaisseaux de guerre, comme dans un geste d'affection, s'étaient rapprochés des nôtres, très près. Ils échangèrent quelques signaux, puis, prestement, silencieusement, ils firent demi-tour et disparurent vers le large, vers la haute mer, dans la nuit, vers une autre mission de protection et d'humanité, chacun de ces braves matelots emportant avec lui l'hommage de notre reconnaissance émue et de notre admiration non mitigée. Le 2 juillet, nous arrivions en Angleterre et l'inspection de mes bagages, qui m'inspirait des craintes sérieuses à cause de certaines pièces écrites que j'avais apportées avec moi d'Allemagne, fut des plus simples. Le bureau d'inspection de Gravesend, où j'eus l'avantage de rencontrer quelques-uns des principaux employés, se montra excessivement conciliant et accommodant à mon égard. On ne voulut pas retarder mon voyage vers Londres, et l'on me promit de me faire tenir le lendemain, par l'entremise du haut-commissaire canadien, tous les papiers, documents, lettres dont j'avais une malle complètement remplie, et il tint parole. Durant mon séjour de 4 semaines à Londres, en juillet 1918, je tiens à faire mention de 3 événements dont le souvenir restera profondément gravé dans ma mémoire. Le premier est naturellement la gracieuse invitation que j'ai reçue de Sa Majesté le Roi, de me rendre auprès de lui au palais de Buckingham. Le jour fixé, à midi, j'eus le très grand honneur d'être reçu par Sa Majesté, avec une courtoisie, une bienveillance qui m'ont profondément touché. Je ne pus m'empêcher de remarquer, toutefois, dans les traits de sa figure, la trace des anxiétés et des inquiétudes auxquelles le souverain avait été en proie au cours de ces dernières années. C'était au moment de cette nouvelle et terrible offensive des Allemands en Champagne. Cette offensive, nous l'ignorions alors tout en l'espérant, devait être le signal de la contre-offensive qui devait conduire les Alliés de succès en succès jusqu'à la culbute définitive de l'Allemagne. En prenant congé de Sa Majesté, je lui demandai la permission de lui exprimer, de la part de ses sujets canadiens-français en particulier, des vœux et des souhaits à l'occasion de son 25e anniversaire de mariage, célébré la veille à la cathédrale Saint-Paul. C'est vers ce temps-là qu'il me fut donné de revoir, après 4 années de séparation, mon beau-fils, officier dans l'armée belge, qui avait obtenu en Flandre un congé pour venir me rencontrer en Angleterre. J'avais moi-même, en passant de Hollande en Angleterre, été accompagné par le second fils de ma femme, qui avait, au risque de sa vie, franchi la barrière électrique qui séparait la Belgique de la Hollande dans le but d'aller prendre du service dans l'armée belge. Ces deux frères, séparés depuis 4 ans, se rencontrèrent dans une salle d'hôtel à Londres. Et quelques jours plus tard, l'aîné repartait pour le front de bataille, emmenant avec lui son jeune frère. Enfin, quelques jours avant de prendre passage à bord du transatlantique pour rentrer dans mes foyers, je recevais du général Turner l'invitation de visiter les camps de Frenchman Pond et de Bramshot. À Frenchman Pond, nous pouvions voir les troupes récemment débarquées du Canada. Elles subissaient à cet endroit le premier degré d'entraînement et de formation militaire. Elles étaient ensuite transférées à Bramshot, où leur instruction militaire est parachevée. À ces 2 endroits, il me fut donné d'adresser la parole aux troupes canadiennes et aussi d'admirer leur belle tenue, qui a soulevé en Angleterre et en France l'admiration universelle. Ce jour que j'ai passé au milieu de nos officiers canadiens et de nos soldats restera comme l'un des plus beaux de mon existence. Je n'oublierai jamais l'impression causée par la marche du 10e régiment de réserve canadienne-française, dont le colonel Desrosiers. On ne pouvait être témoin de ce défilé sans sentir courir dans tout son être un frisson d'enthousiasme et d'admiration. Je me suis efforcé de faire part à nos soldats, dans l'un et l'autre camp, de nos sentiments d'orgueil et de notre gratitude, et je leur ai promis d'apporter avec moi, au peuple canadien, le message que je croyais lire sur chacune de leurs figures, et que l'on pourrait ainsi traduire « courage, patience et confiance en la victoire ». Les exploits de tous ces braves Canadiens, au moment où nous écrivons ces lignes, ont été couronnés de succès. Et l'histoire de notre pays entourera les noms de ceux qui nous reviendront comme de ceux qui seront tombés au champ d'honneur, d'une auréole de gloire immortelle.